Petit détour maintenant du côté des châteaux de la Loire. François Ier, qui voulait chasser dans les meilleures conditions, avait fait construire le château de Chambord au milieu d'un vaste domaine forestier très giboyeux. Le bâtiment, véritable joyau de la Renaissance, inspiré par Léonard de Vinci, est l'un des monuments les plus visités de France. L'an dernier, il a attiré 600 000 personnes. Le parc qui l'entoure a fait encore mieux, avec presque 1 million de visiteurs. Il faut dire que l'endroit est exceptionnel. Entouré d'un mur de pierre de 31 km de long, c'est le plus vaste espace clos en Europe. Sa superficie, 5440 hectares, équivaut à celle de Paris intramuros. À l'intérieur de cette enceinte se trouve la forêt où les cerfs et les sangliers gambadent toujours nombreux parmi les chênes et les pins sylvestres et le village de Chambord. Les 214 habitants qui y vivent, les Chambourdins, sont locataires de l'État qui possède tout ce qui se trouve sur le domaine, les maisons d'habitation, la mairie et même l'église et le cimetière. Une fois par an, ils ont le privilège de pouvoir participer aux chasses présidentielles qui étaient jadis royales. Restons dans la région des châteaux de la Loire, car depuis quelques années, les amoureux des beaux jardins se retrouvent par milliers pour admirer les plus belles œuvres de paysagistes venues du monde entier. Philippe Goffin nous en dit davantage. À 200 km au sud-ouest de Paris, entre Blois et Amboise, Chaumont-sur-Loire a longtemps connu comme seule gloire le château du XVe siècle, où séjournèrent à tour de rôle la femme et la maîtresse du roi Henri II, Catherine de Médicis et Diane de Poitiers. À la belle saison, les visiteurs défilaient dans cet édifice un peu poussiéreux à la recherche d'un passé bien lointain. Jusqu'au jour de 1992, où un architecte paysagiste eut l'idée lumineuse de confier 30 parcelles du parc à la créativité de jardiniers réunis dans un concours international. Ils devaient tous accepter de travailler sur des surfaces qui ne dépassent jamais 250 mètres carrés et se contenter chacun d'un budget de 12 000 dollars. Le succès fut presque immédiat et depuis lors, il n'a pas cessé de croître en attirant 150 000 visiteurs l'année dernière. Pourquoi une telle réussite alors que les manifestations horticoles se multiplient en France? D'abord parce que chaque année, le Festival des Jardins adopte un thème très original, souvent assez éloigné du monde végétal. Ainsi, le tout premier thème tournait autour du plaisir. Et pendant la décennie écoulée, les jardiniers se sont exprimés sur l'imagination dans la crise, sur la curiosité ou sur la technique. Le succès mondial du Festival des Jardins doit sans doute aussi beaucoup à son caractère éphémère. En effet, aucun jardin ne survivra au-delà du 22 octobre. Ils seront tous démontés pour rendre aux parcelles leur état originel jusqu'à l'année prochaine. Donc, les visiteurs se pressent, persuadés d'assister aux expressions d'un art saisonnier, fragile par définition. Les plus grands architectes paysagistes contemporains, du français Jean-Michel Villemotte à l'américain Bob Wilson, les meilleures écoles du paysage, celle de la Cornell University aux États-Unis, celle de Versailles ou celle des jardins royaux de Kew près de Londres, se disputent aujourd'hui le privilège de participer à une des manifestations artistiques les plus courues de France. Comme dans la chanson de Charles Trenet, c'est un jardin extraordinaire, les canards parlent anglais, il suffit pour ça d'un peu d'imagination.